Moi, je suis hostile au multipartisme. Et croyez-moi que j'ai mes raisons. Pour ce qui concerne le Tchad, il faut considérer ces 25 années de guerre, de troubles, des blessures profondes laissées, les déchirements. Sur les ruines du Tchad, nous sommes en train, et croyez-moi que ce n'est pas simple, de reconstruire ce pays, sauver ce pays, dans son unité, dans son intégrité territoriale. Redonner à ce pays la paix. Et vous voulez qu'on se permette le luxe, c'est mon opinion, de rouvrir encore la porte aux éléments de dislocation du Tchad. Nous avons vécu ce qu'on appelle le régime de tendance. Au fond, c'est quoi le régime de tendance? C'est le multipartisme. Vous êtes d'accord? Et sur le plan de principe, qui vous dit que le système multiparti est le plus démocratique, le plus libre? Ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas parce qu'il y a des partis à droite, à gauche, qu'il y a nécessairement liberté et démocratie. C'est une chose à prouver sur le plan historique, sur le plan des principes. Vous passez tout votre temps à voter, mais il y a derrière vous toujours un grand électeur qui décide le sort des élections, c'est l'argent. En conclusion, deux témoignages qui peuvent apparaître comme les signes avant-coureurs d'une ère nouvelle, celle de la démocratisation. Et d'abord, en novembre 1989, Abdoulaye Wade, alors secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, dans l'émission « Mémoire d'un continent ». Oui, Philippe Saint-Denis, 1989, c'est presque une année africaine. C'est une année très importante parce que, à cette date, les partis uniques sont plongés dans une crise profonde et la plupart d'entre eux sont moribonds. Cette crise provient de plusieurs facteurs, dont l'un des plus importants, je crois, est la lutte menée par les partis d'opposition. Partis la plupart du temps clandestins, mais dans le cas du Sénégal, partis d'opposition légaux, dont Abdoulaye Wade est précisément le principal animateur. Nous l'écoutons.